à regarder le monde dans un écran. Je sais qu'on se trompe, mais ça n'effacera pas le sang. Trop de gosses sous des bombes, depuis tout ce temps. Trop de pays sous des combres, y a-t-il des innocents? Colomb s'en va en guerre, il y a fort à parier qu'il n'y va pas de bon cœur, mais bon c'est son métier. Faut pas lui en vouloir d'avoir peur de l'étranger. La seule défense qu'il ait trouvée, c'est d'attaquer. Sa seule façon d'apprendre, c'est de tout démonter. Il y a assez de cendres pour pouvoir le démontrer. On nous montre des trop gros, comme des affamés. Quelques enfants soldats et des génocides oubliés. Des viols par-ci par-là et des autres avortés. La justice ne peut plus rien, on est tous condamnés. Aérés sans but, on appelle ça des damnés. Si je suis humain, je dois bien être le dernier. J'ai vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On me parle de Karcher ou de bombes atomiques. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. Je ne sais pas qui a raison, mais je sais qui est la victime. Certains sont en prison pour avoir dénoncé ces crimes. D'autres torturés ou exécutés de façon anonyme. Ce qui m'attriste, c'est qu'on les a oubliés en prime. Je vois des émissions qui vomissent la haine sur des cultures bien différentes de la mienne. Ils traitent les femmes en chiennes, ensuite nous baratinent. Sur une Europe chrétienne, où doit-on dire crétine? On peut me juger sur ce que j'ai à redire, mais je ne laisserai pas passer ce qu'ils font de pire. Dans tout ce que je vois, pas grand chose à proposer. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas quoi opposer. J'ai vu la paix s'envoler dans des avions à réaction qui bombardaient des villes en disant qu'on a raison. Changeant de chaîne, je vois la Palestine entre béton. Ensuite il parle de terrorisme, prend-on pour un con? On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. Et on veut faire la révolution avec des mots. Quand d'autres utilisent des armes, moi j'ai mon micro. Je cible le public, mais pas dégâts collatéraux. Ma frappe chirurgicale, elle ne tue pas dans le dos. Apparemment, ils tirent dans le tas, ça fera bien l'affaire. Je vois des gens avec leurs gosses qu'on a explosé à terre. Trop de ressemblances avec une descente en enfer. Parfois le combat se résume à missiles contre pierre. Je vois des jeunes qui se battent pour des libertés qu'un état démocrate ne veut pas leur donner. Et pour bien leur faire comprendre qu'on n'a pas à écouter, c'est la police qu'on envoie pour bien les réprimer. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. On a vu trop de mères pleurer sur cette terre désolée. Entre guerre et famine, plus de place pour la famille. Y'a l'échelle de Richter et l'échelle dramatique. On nous parle de Karcher ou de bombes atomiques. Et là j'éteins ma télé parce que demain sera pareil. On entendra les mêmes mots dès notre réveil. Pareil que chaque seconde on nous surveille. Ne venez pas me dire que l'humain est une merveille.